Dans cet épisode, on va débriefer la sixième journée de Top 12 et plus tard l'Indonesia Masters. Mais d'abord, on va parler avec Louis Ducrot du volant Airwa. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that! Et comme je l'ai dit dans l'introduction, on reçoit dans cet épisode Louis Ducrot de D'Air sur la Luce. Salut beaucoup, salut Louis, merci beaucoup d'être là. Salut les gars. Salut Louis. Je suis comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, salut Louis. Donc dans cet épisode, on va un peu faire comme ce qu'on fait d'habitude maintenant à chaque journée de Top 12. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté les autres, on reçoit un joueur, un entraîneur, un dirigeant d'un club de Top 12 et on fait le point un peu sur la saison et ce qui reste à faire. Et du coup, Louis, bah, pour ma première question, est-ce que tu peux un peu te présenter, et notamment ce que tu fais à Air sur la Liste, puisque tu as quand même la particularité d'être l'homme d'un club, on va dire, ça fait, si j'ai bien lu, 20 ans que tu joues. Moi je suis tout d'abord joueur au club et bénévole, puisque mon père, c'est le président du club d'Air sur la Lys. Donc ça fait depuis que je suis né, hein. Donc là j'ai 25 ans, j'ai commencé le BAD, j'avais 3-4 ans, j'étais déjà sur les terrains au club. Et du coup depuis cette année, je suis devenu capitaine de l'équipe de Top 12 en plus. Voilà. D'accord. Et du coup, ça change quoi concrètement ? Parce que j'imagine que comme tu connaissais déjà très bien le club avant d'être capitaine, t'étais un peu, et voilà, comme tu l'as dit en plus, comme ton père est président, t'étais déjà un peu plus qu'un joueur normal, j'imagine. Alors qu'est-ce que ça change d'être capitaine pour toi ? Ça change pas grand-chose, hein. Il y a un peu plus de responsabilités forcément, hein. Faut gérer l'équipe, savoir quels joueurs sont disponibles, quels joueurs sont en tournoi, avoir de bonnes relations avec l'équipe. Et en fait, quand l'ancien capitaine a dit qu'il préférait se retirer pour passer plus de temps avec sa famille et avoir un peu plus de temps libre les week-ends, j'ai tout de suite dit à mon père que j'étais partant pour devenir capitaine. Et pour l'instant, ça se passe très bien au niveau relationnel et au niveau du poste. J'étais plutôt content de ce que j'ai produit cette saison, pour l'instant. Tu dirais que, enfin, comment, quel bilan tu tires finalement des dernières saisons où LVA, alors t'étais pas capitaine, mais on le précise pour ceux qui découvriraient le club, ça fait quand même un moment que vous êtes en top 12 et que toi aussi tu joues en top 12 avec d'ailleurs des très bons joueurs au LVA, mais c'est vrai que vous avez jamais passé ce step finalement des playoffs. Est-ce que pour vous c'est un objectif, est-ce que pour vous c'est une déception de jamais y être arrivé jusque là? Pour être franc, la saison dernière, on y a cru jusqu'aux deux dernières journées où moi je me suis blessé contre Rostrenin en simple homme numéro 1. Je me suis blessé alors que le match était vraiment serré, on fait 4-4 et c'est ça qui nous coûte un peu la fin de saison. Donc la saison dernière, clairement, c'était notre objectif de finir deuxième derrière Foss et de pouvoir aller au play-off pour la première fois de l'histoire du club. Sur la saison aussi, il me semble qu'il y a une saison aussi pendant le Covid où on a fait deux journées où on avait commencé par deux victoires. Donc on était aussi assez bien parti, même si c'était que le début. Mais je trouve qu'on avait un bon effectif sur ces saisons-là pour aller chercher les deux premières places, pour aller batailler avec les grosses équipes. Clairement, cette saison, notre objectif, c'était pas du tout d'aller au play-off. Enfin, c'était notre objectif, mais au vu des équipes qu'il y avait en face et des joueurs présents pour nous, et en face quand on a joué les autres équipes, c'était un peu compliqué, quoi. Ouais, t'as répondu à notre question sur les objectifs de cette année, mais c'est vrai que l'année dernière, je me souviens qu'on a, bon, on n'a pas critiqué, mais on s'étonnait. En fait, vous avez plutôt bien fini et il y a une ou deux journées où c'est vrai que vous n'avez pas pu aligner une équipe type et en fait, c'est là que ça a basculé. C'était autour de la J6, J7. Et en fait, c'est vrai que avec ce qui s'est passé ensuite, finalement, vous étiez quand même assez proche et à pas grand chose de pouvoir aller en playoff. Mais il me semble que c'était la journée, à partir de la journée contre Rostrenin chez nous, hein. Parce qu'on était, on était toujours deuxième. Et donc je crois que c'était la J8. Ah, c'était plus tard, ok, ouais, d'accord. Et c'est là du coup où je me blesse. Et du coup, il nous manque un garçon. Et après, on a joué Chambly qui est venu avec la grosse, grosse équipe qui était à domicile pour eux. Et c'est là où ils nous sont passés devant. Et sur la dernière journée, on a eu beau gagner contre Foss qui avait une équipe un peu diminuée. Mais Chambly a aussi gagné. Donc ils étaient devant nous à deux points, il me semble. Ça s'est pas joué à grand-chose. Et tu disais justement que cette année, vous aviez vu que dans votre poule, il y avait plus fort. C'est vrai que vous êtes dans une poule extrêmement homogène, hein, où il y a vraiment des grosses équipes. À la base, je pense que c'était Foss et Mulhouse les plus impressionnants, mais il y a Saint-Maur qui fait une grosse saison. Selon toi, vous avez quoi de moins que ces équipes-là? Est-ce que c'est parce que vos bons joueurs sont pas assez présents? Est-ce que tu dirais qu'il y a des tableaux où vous êtes un peu moins fort que ces équipes? C'est quoi selon toi les différences? Moi, je pense que sur le papier, avec les recrues qu'on avait fait, je trouvais qu'on était plutôt cohérent partout dans tous les tableaux. Mais je trouve que vraiment, à part notre double homme, quand Ben et Sean sont là, où il est quasiment imprenable, où on démarre un peu à 1-0. Mais je trouve que même sur les mixtes et sur les simples hommes, c'est vraiment compliqué d'avoir des joueurs qui sont vraiment sûrs à 100% de gagner. Je prends l'exemple, quand vous jouez contre Foss-sur-Mer et que vous avez Tommy en 1, Christo en 2, c'est quand même super compliqué d'aller essayer de tenir la rencontre après, en partant à 0-2 alors que les deux simples hommes viennent juste de se finir. Donc je trouve que les autres équipes ont vraiment un très gros niveau sur l'ensemble de l'effectif et que nous on avait peut-être quelques lacunes et qu'on a pas réussi à combler. On voulait garder nos joueuses françaises et moi dans l'équipe. Je trouvais que c'était important aussi de garder cette cohésion qu'on avait tous ensemble. Et on a essayé de rajouter en étranger l'allemand Jan Colin Volker quand Benetton n'était pas là. Il est venu à une journée et après les coachs du centre national l'ont interdit de revenir jouer en France. Donc ça nous a un peu mis dans le pétrin. Et Ciara Torrens aussi qu'on a recruté qui est dans le top 40 mondial, il me semble, en double dame maintenant. Ouais, c'est ça. Et elle a fait des ils ont fait des bons matchs notamment avec Flavie et avec Ben Lane sur la journée contre Aix. Mais au niveau des mixtes et des doubles, je trouve que le niveau s'est vraiment amélioré ces dernières saisons et ça devient vraiment très très dur d'aller chercher des gros résultats sur les doubles et les mixtes. Mais justement, tu t'as dit un truc sur le fait de garder des Français dans l'équipe et de un peu de stabilité. C'est vrai que toi, j'imagine que tu es un peu le garant de l'histoire de l'équipe puisque tu es là depuis très longtemps. Mais c'est vrai que, mine de rien, Ben Lane, Sean Vendy, ça fait quelques saisons qu'ils sont là. Yael Oyo, elle est partie puis revenue. Est-ce que, voilà, du coup, je voulais te relancer là-dessus. C'est une vraie volonté, du coup, de pas, on va dire, changer l'équipe à chaque saison et d'essayer de conserver un peu la même ossature. Même si vous savez que potentiellement il y a plus fort en face, quoi. Bah clairement cette saison on a comme tu dis on a voulu garder une équipe qui était déjà constituée. Après on était conscient que c'était pas forcément non plus la meilleure équipe du championnat sur le papier. Mais on a voulu garder justement les trois filles françaises, donc Yaël, Flavie et Romane. Clairement, quand on leur a proposé de venir au club, on leur a pas dit, bon bah écoute, on fait une saison, puis après on verra. On a choisi d'abord de les accompagner, comme le club m'accompagne moi. Donc on a essayé de mettre en place des aides, d'aller chercher des aides au niveau de l'État pour les sportifs de haut niveau, comme Romane, Flavie et Yaël les saisons dernières. On avait fait venir aussi Brice. Où on a essayé de l'accompagner et il nous a aussi bien accompagné. Donc on avait vraiment envie de garder la même ossature et on a notamment fait appel à Julien Caradji parce que c'était un Belge et que, bah pareil, il communique en français, donc c'est vachement plus sympa, je trouve, surtout en tant que capitaine, d'envoyer un message à un joueur en français, de pouvoir même rigoler avec lui et avoir beaucoup d'interactions. plutôt que de faire venir, je sais pas moi, des Russes ou même des Anglais, où des fois c'est très compliqué d'échanger vraiment avec la barrière de la langue. Donc on a voulu garder la même ossature que la saison dernière. Et on savait que ça allait être très compliqué dans certains tableaux, hein, notamment chez les filles où ça a été très dur. Mais encore une fois, Flavie et Romane, je trouve qu'elles ont très bien progressé depuis le début de saison. Donc pour nous, on est contents et fiers d'avoir aligné ce type d'équipe. Aujourd'hui, je pense qu'après 6 journées, enfin non, c'est même sûr, vous êtes maintenu avec notamment le forfait de Talence. Est-ce que, au vu des 6 premières journées du forfait de Talence et de comment ça s'est passé pour vous, ça change les projets? Et quand je parle de ça, je parle des compos, notamment on sait que faire venir Sean Vendy et Ben Lane, ça coûte forcément de l'argent. Est-ce que du coup, on se dit que les playoffs c'est un peu loin? Est-ce que pour le LVA, c'est aussi une raison de moins les faire venir ou pas du tout, et on joue avec la meilleure équipe disponible sur chaque journée? Clairement, pour être transparent, au niveau financier, comme pour tous les clubs, et on l'a vu aussi pour le club de Talence, ouais. C'est très très compliqué de faire venir des gros joueurs qui demandent forcément de plus en plus parce qu'il y a de la concurrence. Ben Lane et Sean Vendy, quand ils nous ont dit clairement on a un club en Allemagne qui nous propose 2 fois plus que ce qu'on gagne en France. Donc c'est très compliqué de rivaliser aussi avec l'opposition au niveau financier. Donc on a su les faire rester. Pour nous, on voulait les faire rester aussi pour quand ils viennent jouer à domicile. Pour le public, c'est quand même super cool, pour nos jeunes aussi de l'école du BAT de voir des top mondiaux. Maintenant, c'est sûr qu'avec le forfait de Talence, ça a un peu tout changé. On a vu aussi que ça avait un coût de les faire venir. Donc maintenant, on essaye d'aligner quand même une équipe qui est homogène sur les journées. On va pas tout balancer tous les matchs, mais c'est clair que par exemple pour aller jusqu'à des déplacements comme Foss ou Aix-en-Provence qui sont très loin pour nous, mais alors pour les étrangers c'est encore plus loin. On essaye de limiter aussi niveau budgétaire parce que la saison est sauvée quoi, entre guillemets. Mais après, ça nous tient à cœur quand même de faire venir les joueurs qu'on a à domicile pour jouer les rencontres devant notre public. Déjà que on arrive à faire venir des gens, donc on n'a pas envie de les décevoir par exemple en balançant 2 simples dames ou 2 doubles hommes. C'est un peu dommage, je trouve. Donc on essaye quand même de garder une bonne image de l'équipe, même si c'est très compliqué avec la disponibilité des joueurs et comment les journées sont placées. Tu m'offres une transition absolument parfaite parce que je voulais parler du public justement. La plupart des responsables d'équipes de top 12 dans les différents clubs à qui on parle, ils constatent quand même une baisse de la fréquentation et du public au cours des dernières saisons. C'est notamment pour ça qu'il y avait eu des discussions pour changer le format il y a un an maintenant. Est-ce que tu constates la même chose à R sur la liste? Et ma petite deuxième question, c'est qu'est-ce que tu penses, toi, du format du top 12 actuel? Comme tu l'as dit, hein, c'est très compliqué de faire venir les gens. Notamment un samedi après-midi, chez nous c'est pas trop le cas, mais je vois des régions où il fait super beau comme Foss ou Aix-en-Provence, le samedi après-midi je pense que les gens ils ont pas trop envie d'aller s'enfermer dans une salle de bad. Donc faut essayer de trouver des choses attractives. Nous on avait essayé de mettre en place un concours à chaque journée pour essayer de gagner des goodies, etc. On essaye aussi quand on reçoit des gros joueurs comme Tommy et Christo, ou alors des autres équipes comme Chambly l'année dernière, on essaye de mettre en avant aussi la venue de joueurs qui sont forts, donc pour essayer de faire venir le public. Mais c'est très compliqué, et surtout moi je vois cette saison que malgré qu'on a quand même du monde au début de la rencontre, je trouve que ça s'essouffle vachement au fil de la rencontre. Ouais. Il se peut que, par exemple, moi je vais jouer le premier match, sur la feuille je suis prévu 4e match, mais mon match il a pris un peu de retard, du coup il y a un terrain qui est vide pendant 20 minutes. Ça donne pas forcément envie aux gens de rester pour regarder et d'être surtout concentré pendant... C'est long en plus, une rencontre de top 12, ça dure 3-4 long. Heures. Je prends un exemple parce que je joue aussi en Allemagne, et je trouve que le format là-bas est un peu plus court et plus concis. Donc je trouve que des fois on arrive dans des salles où il y a vraiment 150 personnes, et pourtant c'est en deuxième division. Donc je trouve que le format est plutôt pas mal. Donc je trouve que faudrait peut-être revoir le format pour qu'il soit un peu plus court et que les gens puissent accrocher directement, quoi. On en profite aussi que tu sois là pour parler un peu de toi, parce que je pense que cette saison en top 12, tu m'arrêtes Ewan si je dis une bêtise, mais t'es le premier joueur qu'on reçoit. On a reçu des capitaines, des présidents, mais pas encore de joueurs. Il y a les championnats de France qui arrivent très vite là, à la fin de la semaine, et voilà. Et tu vois sûrement arriver ma question, mais il y a au moins un joueur qui est moins bien classé que toi dans ce tableau, et nous on se demandait pourquoi en fait t'allais pas au championnat de France, si c'était un choix, si c'était lié au format, pour quelle raison? J'y participe seulement en double homme du coup. Oui. Cette année. Oui, je parlais du simple, pardon. Ouais. Mais en simple, c'est simple. En simple, j'étais 13e sur la liste. Et en mixte également, avec Flavie, on s'est inscrit à la dernière minute. Donc on était 13, j'étais 13e en simple et 13e en mixte. Donc forcément, j'étais super déçu. Et en plus, ta question par rapport à qui est un joueur moins bien classé que moi, je pense que la Fédé a voulu se réserver le droit d'une wildcard par rapport au classement mondial, tout simplement. Il est mieux classé que moi à l'international, il a fait des meilleurs résultats. Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Il mérite aussi sa place comme bien d'autres qui sont dans le top 20 français. Je pense que la question à se poser, c'est plus sur au niveau de la réforme. Est-ce qu'elle était vraiment judicieuse, quoi? Parce que là, on est passé quand même de tout à rien. On voyait des gens qui étaient dans le top 40, 50 et qui bataillaient chaque année pour essayer de se qualifier. C'était leur objectif, les championnats de France. Là, au final, c'est devenu lunaire pour eux d'atteindre les championnats de France. Donc, je trouve ça assez dommage que ça enlève un peu de magie au championnat de France. Quoi. On voyait toujours des petites paires sympas se recomposer pour aller chercher soit des huitièmes, soit des quarts de finale. Ou même, ils étaient en qualif et du coup, ils arrivaient dans le tableau principal, ils arrivaient à faire un bon match. Et je trouve que là, c'est un peu des matchs qu'on a déjà vus plein de fois. Quoi. Il y avait peut-être un juste milieu à trouver entre ce qui existait et ce qui a été fait, en fait. Ouais, je pense... Après, apparemment, la fédération a voulu faire ça pour alléger le cahier des charges aux organisateurs. Je trouve pas que le cahier des charges était non plus impressionnant sur la formule d'avant. On aurait peut-être pu, je pense, à la limite, enlever les qualifications si vous voulez vraiment faire qu'un seul tableau principal. Mais là, de là à passer à 12 joueurs, et sachant que les 4 têtes de série sont déjà en quart de finale, moi je sais pas ce qu'ils en pensent, mais c'est un peu une médaille, je sais pas, je vais pas dire sans saveur, parce que forcément c'est toujours agréable d'avoir une médaille au championnat de France, hein. Mais en faisant qu'un seul match, je trouve que ça enlève un peu de son charme. Ouais. Puis surtout, jouer sur deux terrains, j'ai jamais vu une salle des championnats de France ou quoi se jouer sur deux terrains, à part le dimanche où ça se jouait sur un terrain devant tout le monde. Mais là, je trouve ça un petit peu dommage d'enlever ce côté où aussi on rencontrait d'autres personnes pendant la saison, les joueurs qui faisaient que des, comme l'a dit Delphine Delru, j'ai vu dans son post sur les réseaux. Je trouve que on perd aussi cet événement de rencontre, en fait. Parce que des joueurs comme ça qui vont à l'international toutes les semaines, qui reviennent juste pour les interclubs, et en interclub ils jouent en top 12, donc ils revoient les mêmes personnes à peu près, qu'ils voient sur le circuit européen ou mondial. Et là, je trouve que les championnats de France, c'était bien pour revoir vraiment le badminton français, quoi. Et toi, de ton côté, là tu l'as dit, du coup t'es juste en dehors des 12 meilleurs. Imaginons que ce format continue. Quand tu vois les mecs devant toi, qu'est-ce que t'en penses? J'imagine que tu te dis forcément, il me manque pas grand-chose pour y être, et l'année prochaine tu pourrais très bien être dans ces tableaux, j'imagine. Ouais, écoute, j'étais 10 ou 11e pendant toute la durée du début de saison, et jusqu'à ce qu'il y ait des tournois de fées un peu à droite à gauche, et du coup je suis passé 13e sur le fil. C'était un peu rageant, parce qu'en plus j'essayais quand même de, malgré que j'ai un projet en double homme au niveau européen et avec mon nouveau partenaire, j'essayais quand même de faire les circuits élites en France pour aller marquer des points sur les circuits français, et malheureusement ça n'a pas marché. Donc un petit peu dégoûté, mais l'année prochaine je vais tout donner pour pouvoir, si le format persiste, bien évidemment, j'espère pas, mais si le format persiste, il va falloir aller chercher des points encore et encore pour se qualifier dans la liste des 12. Oui, parce que du coup, tu nous as lancé sur ton projet. On a forcément envie d'en parler un peu, même si on a beaucoup parlé du LVA. Et c'était l'idée, mais t'es quand même pas qu'un joueur d'Interclub, il faut le souligner. Tu joues sur le circuit européen notamment. C'est quoi ce projet? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous visez en double homme? Bah écoute, on s'est retrouvé un petit peu à la fin de la saison précédente. Le Quentin n'avait pas de partenaire. Moi, j'ai joué avec Quentin Vincent cette saison, mais qui a eu des problèmes physiques. Donc, et en plus, il est devenu papa, donc ça l'a fait un petit peu stopper la compétition. Donc on s'est retrouvé à deux sans partenaire. On s'est dit pourquoi pas faire un tournoi en France. On a fait le tournoi du CSM20 et on a gagné le tournoi. Moi c'était mon tournoi de reprise après ma blessure au genou, donc c'était plutôt encourageant. Et puis après ce tournoi là, on s'est dit pourquoi pas faire le futur series qui avait lieu à Pessac. Et au final on a fini deuxième. On a perdu contre Eloi et Léo en finale, donc c'était plutôt une bonne performance. Et à la suite de ça, on s'est dit pourquoi pas tenter quelque chose en double homme sur le circuit l'année prochaine. Donc pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant les résultats qu'on a produits. Donc on va essayer de continuer et d'aller grappiller quelques places au classement mondial. Et du coup, c'est notre dernière question. C'est quoi toi les futurs rendez-vous qui arrivent? Du coup, tu vas continuer un peu à jouer sur le circuit élite, comme tu le disais, et en double homme, c'est quoi les tournois qui t'attendent? On continue de faire les circuits élites. Bah là, le dernier, on l'a pas fait parce qu'on a été sur l'International Series de Suède. Mais on va essayer de faire les deux derniers circuits élites, je pense. Pour continuer d'être premier, parce que tu sais, il y a un classement final à la fin. Donc on aimerait bien gagner le circuit élite cette année. Mais sinon, après, on a des grosses échéances qui vont arriver, notamment sur le mois de mars, avril, mai, où il y aura la reprise des tournois un peu du style Challenge, International Series. On va avoir le Luxembourg, l'Autriche... Donc on va essayer de jouer ces tournois-là. Et avant, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, je le rappelle, les championnats de France, où vous allez jouer Nathan Béga et Baptiste Labarthe au premier tour, et potentiellement les Popov au deuxième. Donc on va suivre ça, évidemment avec attention. Merci beaucoup, Louis, d'être venu. C'était très, très cool. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Et puis on te souhaite la meilleure pour le suite de la saison et pour R sur la liste évidemment. Merci beaucoup. I'm the bad guy. Take that. Et nous on va donc se pencher sur les rencontres de la sixième journée. À commencer, on va commencer par le champion en titre Chambly qui a gagné 6-2 contre Marom. Déjà qui gagne deux matchs, les deux matchs de Julien Maillot par forfait qui vont à Chambly. Chambly qui gagne, on va dire facilement tous les matchs, mais qui perd les deux simples hommes. Sacha Lévesque qui s'incline 21-17, 21-18 contre Marius Reboul Alexandre. Benoît, tu me diras après si ça te surprend. Mais surtout Hans-Christian Vitingus qui s'incline lourdement 21-9, 21-16 contre Fabio Capogno. Un match qu'il a lui-même décrit comme le pire de sa saison ou son pire depuis longtemps. Je veux bien le comprendre parce que là, Benoît Chambly, il doit être un peu deck d'avoir recruté le fantôme de Hans-Christian Vitingus. Ouais, franchement, je suis saoulé avant d'avoir commencé cet épisode de Top 12, notamment par ça, parce que c'est bien sympa d'avoir amené Vincent pour les vacances en France, mais si tu pouvais au moins respecter le championnat, enfin après, il y en a qui le respectent pas parce qu'ils viennent pas, mais quand t'es là, au moins, je sais pas, essayer de produire un truc, ça change pas grand-chose pour Chambly, qui de toute façon, même avec un Vitingus et... Et j'ai aussi été surpris par Sacha Lévesque pour répondre à ta question, mais Chambly est tellement trop fort, même avec une équipe presque un peu remaniée, qu'il n'y a pas de dégâts. Mais j'ai été un peu saoulé et un peu surpris par aussi Sacha Lévesque. Ouais, faudra faire le bilan en fin de saison de Vikingus, parce qu'on se disait que c'était un peu leur point faible la saison dernière, ouais, le simple homme 1, Chambly, mais il fait pas mieux que Thomas Rouxel, et je serais curieux de voir si à la fin de la saison il a un meilleur taux de réussite, hein, franchement. Pas convaincu, ouais. Mais voilà, c'était le premier contre le dernier, donc voilà, Marom qui gagne deux matchs, même de façon un peu surprenante, mais qui donc s'incline 6-2. Dans un autre match de la poule, Arras est allé gagner 5-3 au RCF. Les trois matchs gagnés côté RCF, c'était Valentin Singer qui a battu Toby Penty, et les deux simples dames, Paulina Bourova et Georgina Hélène-Blaine, ont respectivement battu Marie Batomen et Emily Leffel. Emily Leffel qui venait, j'imagine, pour faire le nombre, puisqu'elle n'avait pas joué en double, elle a fait que ce simple. Mais du coup, Arras a gagné le simple homme 2, Léo Van Gisel, qui prend sa revanche de l'aller contre Arthur Vakevich, tandis que les quatre doubles ont été gagnés assez facilement. Le RCF qui se passait notamment de Anne Tran, leur joueuse forte, surtout dans le secteur, dans le secteur du double. Alors que côté Arras, il y avait quelques absents, mais c'était quand même une équipe beaucoup plus compacte et homogène, on va dire. Ouais, je sais pas si ça amène une réaction, mais enfin, ça fait partie aussi de mes frustrations, parce que, enfin, à l'aller, le RCF avait quand même torpillé Arras remanié, certes, mais je pense quand même que là, sans Antran, tu l'as mentionné, mais Gendira Stadelman aussi. Hugo Musso l'avait justement dit quand il est venu chez nous, en disant qu'il espérait la voir plus sur la fin de saison. Pour moi, quand tu te passes de tes deux meilleures joueuses, Antran, j'ai pas la raison, j'imagine que c'est parce qu'elle rentrait aussi de sa tournée asiatique. Oui, j'imagine, parce que Margot Lambert était pas là, on en reparlera, donc j'imagine que c'est pour ça. C'est quand même très frustrant, les deux premières rencontres, et de manière générale, quoi, parce que je sais pas, on le répète, hein, mais là encore plus peut-être sur cette journée, quoi. C'est que des équipes sont pas complètes, et par leur faute ou pas, mais c'est frustrant pour le niveau du top 12. La dernière rencontre de la poule opposait Cholet et Strasbourg. Quelques absents aussi des deux côtés, hein, notamment Alex Lanier pour Strasbourg. Mais équipe quand même assez solide de Strasbourg. Tandis que du coup côté Cholet, on n'a pas pu rivaliser avec notamment les absences de Marc Caliou qui était pas là. Iris Wang n'était pas là non plus, et des joueuses de double non plus. Victoire 6-2 de Strasbourg. Cholet qui gagne le simple homme 2, Martin Ouazamba, Nathan Bega, et le double dame avec Malena Norman et Shuei qui battent Sharon Bauer et Victoria Vorobeva. Tandis que Strasbourg gagne tout le reste, 3-7 pour Dubovenko en simple homme contre Elias Brack, 3-7 pour Rosie Pancassari contre Shuei, 13-21, 21-19, 21-19, 2-7 serré pour Malia Oaro contre Gail Mahulet, 3-7 pour Bega Heming contre les frères Corvée, et les deux mixtes de façon plus large. Benoît, à part justement sur ces deux mixtes, sur tous les autres matchs gagnés par Strasbourg, on a quand même la SPTT qui a été très très clutch, hein, parce que c'était quasiment serré partout, et tout a tourné dans leur sens. Je pense notamment aux simples dames qui étaient assez indécis sur la feuille et qui se jouent à vraiment pas grand-chose. Ouais, bah clairement, je râlais, vous allez beaucoup m'entendre râler, mais là très clairement, pour moi j'ai eu le meilleur match de toute cette journée, peut-être même de la saison en termes d'opposition, le Shuei Rosie Pancassari. Franchement, assez régal quand même, hein, en top 12, ça fait la pub du top 12. Désolé à d'autres que j'ai pu torpiller avant, mais je reste convaincu que le niveau du top 12 c'est ça. Et c'était une vraie pub pour le top 12, et de manière générale, je pense que c'était la meilleure rencontre, même s'il y a eu 6-2, tu l'as dit, beaucoup de rencontres accrochées, du vrai niveau, malgré les absents, et franchement, meilleure rencontre de la journée pour moi, sans débat. Le classement de cette poule 1 après 6 journées, Chambly qui est toujours devant avec 31 points, 10 points d'avance sur Strasbourg 21, le RCF et Arras qui sont tous les deux à 18, Cholet à 17 et Marom à 8. Benoît, on va pas le redire à chaque fois, pour la première place et la sixième place dans cette poule, ça semble bouclé et c'est quasiment déjà bouclé. Mais on a toujours un beau suspense pour la deuxième. Là, c'est Cholet qui perd des points, le Soleil et le RCF, puisque Strasbourg et Arras ont gagné. Mais moi, je vois bien ça continuer jusqu'à la fin de la saison. oui, moi aussi, même si je pense quand même que là, Strasbourg est sur une dynamique très positive et commence à faire un peu son trou. Oui, non, c'est vrai. Strasbourg qui sur trois, enfin qui avait pas gagné ses trois rencontres, ses trois premières rencontres, et qui là vient d'en gagner trois. Bon, après il joue Chambly la prochaine, ça va être dur de la conserver cette dynamique. Peut-être. Justement. Dans l'autre poule, on a peut-être une des surprises si vous suivez un peu le top 12, c'est la défaite de Mulhouse à domicile contre le VGA Stella Saint-Maur 6-2. Pour le VGA. Les victoires du Red Star à domicile, c'est les deux matchs de Tom Jikel, qui lui était rentré très tôt d'Indonésie, on va en reparler juste après. Victoire très serrée avec Rodion Alimov en double homme contre Maël Catouin et Yanis Godin, 23-21, 25-23. Victoire plus large avec Camille Poniante en mix contre Eno Garoua, Émilie Verselo, 21-15, 21-16. Sinon, pas mal de matchs serrés, hein. Trois matchs en 3-7 qui ont tous tourné pour le VGA. Eno Garoua en simple contre Mouhamad Iqbal, Yanis Godin contre Raphaël Gavois, et le double dame Bénédicte Silassène, Émilie Verselo contre Margot Lassé et Camille Poniante. Et sinon, victoire plus large pour le mixte 2 et les deux simples dames. Benoît, est-ce que... Alors, évidemment, il y avait des absents côté... Côté Mulhouse, notamment Arnaud Merclet et Mia Blichfeldt, leurs deux meilleurs joueurs de simple homme, simple dame. Mais est-ce que tu es surpris de ce résultat une fois qu'on a dit que ces joueurs et joueuses étaient absents ? Non. Une fois qu'on a dit que ces joueurs étaient absents, non, je ne le suis plus. En fait, c'était surtout pour cette rencontre que je râle depuis le début, parce que je sais qu'on va y arriver. En fait, je pense qu'il faut quand même distinguer le fait que le VGA, je suis très content pour eux, et je pense qu'on est très content pour eux, parce qu'ils ont une strat avec une équipe de jeunes, surtout des Français, qui sont là tout le temps. Ça paye, ils ont battu deux fois Mulhouse 6-2, si je ne m'abuse, parce qu'il y avait eu 6-2, il y avait eu 6-2 aussi à l'aller, non ? Je te dis ça tout de suite. Tu me corriges si je dis une bêtise, mais oui, il me semble. Il y avait eu 6-2, ouais, ouais. Bien vu. Donc, non, c'est pas un hold-up. On peut plus parler de hold-up. C'est largement mérité. Quand on voit en tout cas les forces en présence. Mais ce qui me saoule, c'est que on peut pas se satisfaire de voir ce Red Star Mulhouse là. Et je pense que personne peut s'en satisfaire, même pas le VGA. Parce que, en vrai, oui, ils ont gagné, ils le méritaient tout. Mais. C'est comme si, enfin, je vais faire une comparaison au foot, mais le PSG vient et, je sais pas, moi, y a pas ton gardien, y a pas ton meilleur joueur, y a pas Mbappé, enfin, tu vois, il y a un moment où t'as envie qu'il y ait les meilleurs joueurs. Et là, ok, Mulhouse, ils perdent et c'est logique, mais t'as envie qu'il y ait les meilleurs joueurs. Et on parle d'une équipe qui potentiellement peut gagner le top 12, en tout cas à effectif complet, et ne va pas aller en playoff, ou en tout cas est quasiment éliminé des playoffs. Enfin, c'est ça qui m'énerve. Bah, Benoît, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ok. Je suis pas d'accord avec toi parce que justement c'est pour ça que je te posais la question, parce que moi je suis surpris que Mulhouse prenne 6-2 même en sachant qu'il y avait deux absents. Pour reprendre, pour reprendre ta comparaison, okay. Le PSG, s'il leur manque Mbappé, je sais pas qui, pour moi ils doivent quand même battre, je sais pas, Lille par exemple. Tu vois, et ben là, je trouve que même avec cette compo, ils auraient dû gagner. Je trouve que Mouhamad Iqbal, décevant de perdre contre Eno Garoua, même si Eno Garoua c'est des bons joueurs, évidemment, j'ai critiqué personne, tu vois. Mais je trouve que Rodion Alimov, qui est pas capable de gagner un mixte 2, c'est décevant. Même leur double homme, il le gagne à l'arrache, alors que quand même, Jikel Alimov, normalement, tu te dis que ça doit quand même se balader contre des mecs qui sont pas forcément des joueurs de simple, enfin, notamment pour Yanis Godin. Je suis assez déçu de la performance de Mulhouse. Des joueurs présents, parce qu'en vrai, moi je trouve que l'équipe, Benoît, ça fait quoi ? Ça fait 3 ans qu'on voit ce podcast, on en a vu des équipes dégueu, celle-là, elle est même pas dans le top 10, hein. Franchement, je trouve que ça va. Ah non, alors, elle est pas dégueu. Évidemment, je trouve qu'avec leur équipe normale, celle qu'ils ont eue lors de la dernière journée, ils peuvent gagner le top 12, et je suis comme toi, déçu évidemment de ne pas l'avoir. Maintenant, je suis quand même surpris qu'ils prennent 6-2 comme ça. Et encore une fois, je trouve qu'il faut le mettre au crédit du VGA qui travaille très bien, qui a quasiment la même équipe à chaque rencontre et qui a en plus des jeunes joueurs qui savent être clutch quand il faut. Eno Garoua, Godin, Tatranova qui va encore chercher deux matchs. Donc je suis assez surpris et déçu de la performance du Red Star parce que évidemment au classement ils viennent pas tirer un trait sur les playoffs, mais en tout cas Saint-Maur vient de faire un pas assez important. T'as quand même raison, j'en ai parlé au début, mais t'as bien raison de remettre l'église au milieu du village. Saint-Maur, voilà, il faut féliciter ça aussi, mais c'est bien de parler des absents, mais c'est vrai que les présents ont été décevants et tu fais bien de le signaler. Et pour la dernière rencontre, petit derby entre Aix-en-Provence et Fos-sur-Mer, et c'est les derniers cités qui l'ont logiquement remporté, je dois dire, les deux matchs remportés par les Aixois, c'est le double dame, Akshurina Davletova ont battu Maisuro et Nessiani Gitt, tandis que Davletova a gagné son deuxième match avec Ronan Labarre contre la paire Lalotrekart Jacob. Tout le reste a tourné dans le sens de Foss. Un match un peu serré, on va dire, en 3-7, c'est celui de Zera Erdem en simple dame 2 contre Akshurina, qui doit gagner le deuxième set 23-21 pour aller au troisième, où là, ça a été plus facile. Les Popov ont gagné tous les deux leur simple assez facilement contre Johan Barbieri et Grégoire Deschamps, même s'ils sont revenus d'Indonésie pas longtemps avant. Nessiani Gitt a gagné. Les deux Popov ont gagné aussi leur double. Thomas Junior a joué en DH avec Tom Lalotrekart, tandis que Christo Popov a joué en double mixte avec Maisuro. Benoît, pour le coup, là, on a vu des équipes pas forcément full complet, mais puisqu'il manquait notamment, un peu de monde à Aix, mais des équipes qui ont quand même des belles têtes. Et quand ouais. Tout le monde assez présent, il manquait aussi Ivan Sozonov, ça a fait la diff, et Jesper Toft, qui lui a été incroyable en Indonésie. On en reparlera aussi. Non, mais on va y revenir très vite. Effectivement, on en reparlera. Et du coup, avec ces quelques absents aixois et la profondeur d'effectifs de Foss, ouais. Pour le coup, c'était assez logique ce qu'on a vu. Oui, bah t'as tout dit, Foss, on le dit depuis le début de la saison, mais s'affirme en grand favori. Très clairement, je veux pas parler des autres, mais avec des mecs de leaders qui sont les Popov, qui étaient en Asie et qui sont très très impliqués dans le club. Ouais, très clairement, je remets pas, y a pas de débat sur l'implication d'autres, parce que Tom Jikel était aussi en Asie et il a joué. Mais t'as deux mecs qui sont quasiment prêts à tout, ils peuvent rentrer deux heures avant de jouer un match de top 12, ils vont le jouer. Et en vrai, bah ça peut compter à la fin de la saison, hein, sans remettre encore une fois l'implication des autres, mais eux, tu sens que bah ça fait partie de leurs objectifs. Ouais, c'est exactement la réflexion que je me faisais en voyant ça. C'est vrai que eux, pour le coup, ils donnent toujours tout, et même quand ils ont joué pas longtemps avant, ils vont quand même être là, et effectivement ça fait plaisir. Au classement de cette poule, alors on a Foss en premier avec 35 devant le VGA, donc 29, qui prend 6 points d'avance sur Mulhouse, 23, derrière Aix 21 et R sur la liste 16. Je sais pas pourquoi il n'y a pas la victoire contre Talence qui a été comptée pour R sur la liste. Mais Benoît, bah, ce qui nous intéresse, c'est que, je le rappelle, Talence va descendre puisqu'il ne joue plus, donc on sait qu'il n'y aura pas de relégué dans les 5 autres. Ce qui nous intéresse, c'est cette deuxième place. Et tu avais l'air assez catégorique dans ton avis sur la rencontre VGA Mulhouse. Est-ce que tu penses que Mulhouse, ce week-end, a définitivement fait un trait sur les playoffs ? Oui. Oui, parce que je pense que la seule rencontre qui potentiellement peut être perdue par le VGA, c'est Foss. Après, les autres, ils peuvent regarder tout le monde droit dans les yeux, sachant qu'il va y avoir d'autres tournées. Ouais, il va y avoir la tournée européenne, donc c'est plus facile d'avoir les joueurs, mais je pense que le VGA a fait le plus difficile. Ouais. Tu t'es pas forcément d'accord ou... Non, pas forcément. Okay. Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a plus de confrontation directe, le VGA a son sort entre ses mains. Et effectivement, je pense qu'ils battront pas Foss, mais je suis d'accord avec toi. Le reste, autant au début de la saison, on se disait ah là ils vont avoir du mal, autant maintenant c'est plus le même discours quand même. Hein. Bah, ils peuvent regarder tout le monde droit dans les yeux. Hein. Quand t'as mis 2 x 6-2 à mon avis, un top 3 prétendant, voire plus au titre, y a un moment où il faut mettre un peu de respect sur le VGA, très clairement. C'est clair. Prochaine rencontre le 10 février. Dans la poule 1, on aura Strasbourg qui reçoit Chambly, je l'ai dit. Marom qui reçoit le RCF et Arras qui reçoit Cholet. Le Arras-Cholet va être notamment très intéressant, puisque je pense que le RCF va prendre des points dans le même temps et que Strasbourg n'en prendra pas. Donc un peu malheureux vaincu dans cette rencontre. Dans l'autre poule, c'est Foss qui ne jouera pas, tandis que R sur la liste va recevoir Mulhouse et que le VG à Saint-Maur va recevoir Aix en Provence, rencontre qui va être, je pense, très intéressant. On débriefera ça évidemment dans 21 Shuttle avec un nouvel invité. Tout de suite, la deuxième partie de ce podcast, les Indonesia Masters. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Alors Benoît, on part en Indonésie pour le super 500, suite de cette tournée asiatique. On va aller plus vite que d'habitude, on va sûrement surtout s'attarder sur les Français, mais pas mal de joueurs qui ont brillé, qui ont joué dans les deux dernières semaines n'étaient pas présents. Zheng Wang n'était pas présent la semaine dernière, mais là cette fois ils étaient là, puisqu'ils dans un tournoi qu'ils avaient déjà gagné quatre fois, 2018, 2019, 2020, 2022, eh ben ils peuvent y ajouter 2024, Benoît, puisqu'ils ont battu Midori Kawa Saito en finale. Et même s'ils n'ont pas toujours été très bons, notamment contre des paires plus faibles où ils ont passé peut-être plus de temps que nécessaire sur le court, quand il a fallu serrer le jeu en finale et en demi-finale, on a retrouvé les vrais Zheng Wang. Ouais, très clairement. Je pense qu'on va pas détailler autant sur les tableaux, mais c'est ce qu'on se disait en off. Je me souviens qu'on s'est dit, leur match contre Tan Lai et Tan, c'est pas ouf. Hâte de les voir demain contre Kim Jeong. C'est, tu me disais justement, face à une paire qui leur réussit pas. Et on a vu eux aussi. 36 minutes en demi-finale, 31 en finale. Zheng Wang, premier titre de 2024, le 30e, je crois, de leur partenariat sur le circuit. Hors championnat du monde, etc. Donc une belle petite semaine gérée assez tranquillement. Oui, voilà, c'est ça, un super 500. c'est pas le meilleur titre de leur carrière. Ils prennent ça se promène. Ils prennent des petits points. Voilà, il y a pas eu grand chose. Ouais. Grand chose à redire, parce que il y avait pas les grosses paires qui vont les chercher d'habitude étaient pas forcément présentes, et quand elles étaient présentes elles ont pas été vraiment au niveau. Donc voilà, je disais, il y avait pas de Poivari Protea Ratanachai, pas de Watanabe Higashino, pas de Seo Shae. Les seuls qui auraient pu peut-être aller les chercher, c'est Zhang Wei, et grosse déception parce que de leur côté, puisqu'ils ont perdu contre Midori Kawa Saito justement. Et voilà. Non, par contre, Benoît, là où je voulais te lancer, c'est surtout contre Jikel Delru. Ma langue a fourché, j'ai dit contre Jikel Delru, mais finalement, c'est un peu ce qui va se passer. Défaite contre Lee Enge, les Hongkongais, 22-20, 21-14. Benoît, il y a eu un premier set évidemment très serré, où ils auraient pu malgré une remontée arracher le set. Ils ont eu un volant de set notamment, mais finalement les semaines se suivent et se ressemblent, et on devient de plus en plus inquiet pour notre paire de mix française. Ouais, d'ailleurs, je vais commencer en disant que je vous le promets, cette semaine, je mets un extrait de nos pronos, de nos visions pour l'année 2024, dont celle où je dis qu'ils vont revenir dans le top 6 mondial. Ouais, ça se ressemble, et quand t'es au fond du saut, et ben, on sait que ça vaut pour tous les sports, mais ça vaut aussi pour Tom et Delphine. C'est que rien ne te sourit. T'es dans une partie de tableau, on va en parler, où il y a Jiang Wei, mais Jiang Wei qui se font taper, alors qu'ils se font taper certes après, mais une partie de tableau nettoyée où il n'y a pas de tête de série 2, où tu peux espérer aller chercher des points, sauf qu'aujourd'hui déjà ce que tu peux espérer, c'est gagner un match en vrai, et la confiance elle est plus trop là. Donc j'espère qu'ils vont arriver à gagner des matchs au moins sur le circuit européen, parce que là ça devient difficile. Ouais, et Benoît, encore peut-être plus inquiétant, quelqu'un le disait sur le Discord, le body language et l'attitude, elle est pas bonne. Ouais. On n'a pas l'impression qu'ils ont envie de jouer, pas l'impression qu'ils ont envie de jouer ensemble, en tout cas. Et même si, enfin, tu parles de ton prono de fin d'année, on verra, c'est dans un an, et peut-être que tout sera différent. Et quand tu l'as fait, ça pouvait peut-être se justifier, mais enfin, ça peut justifier s'ils sont mauvais, mais qu'ils se battent, alors que là, on n'a même pas l'impression qu'ils se battent vraiment, quoi. Après, voilà, une passe comme ça. On peut aussi se douter qu'elle va pas durer 10 mois. Non. maintenant, il va falloir remettre les choses à l'endroit parce qu'effectivement, il y a le niveau de jeu, perdre des matchs. Quand je me souviens de paires dont on disait, ouais, ils perdent des matchs beaucoup sur les money time du troisième. Là, c'est pas le cas, c'est pas juste le niveau de jeu, c'est que c'est compliqué vraiment dans la tête. On le sent, tu perds 2-3 points d'affilée, tu regardes tes chaussettes, même si t'es avant la pause à 11. C'est dur. Et ouais, il y a des trucs à remettre à l'endroit bien au-delà du niveau de jeu. Voilà. 0 victoire en 3 semaines, le constat il est difficile, et là ils vont faire une petite pause puisqu'ils seront ni en Thaïlande la semaine prochaine ni au championnat de France, mais ça on y reviendra la semaine prochaine. En double dame, Benoît, finale 100% chinoise, victoire de Liu Tan contre Zhang Zheng, 22-20 au 3ème, mais pourtant on s'est pas vraiment régalé. Voilà, deuxième titre de la saison pour Liu Tan déjà. Après le Malaysia Open, elles sont dans le top 3 mondial maintenant. Mais c'est tout, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Liu, elle l'avait gagné l'année dernière avec Zhang Xushan, contre qui elle a joué aujourd'hui. Donc elle était tenante du titre, elles étaient tous les deux tenantes du titre, donc le titre allait être conservé, voilà, c'est tout. Oh là là. C'est qu'on n'a pas grand chose à dire. La stat, c'est quand même de se dire que Liu Tan ont gagné 2 tournois cette année et Chen Jia 0. Hein. C'est vrai. Chen Jia, donc, qui n'était pas là. Et si les Chinoises peuvent se permettre de faire des entraînements en finale d'un 500, c'est parce que les autres paires n'ont pas forcément, n'ont pas forcément répondu présente. Et je pense notamment à Rayu Ramadanti, qui était un peu les seuls cette semaine qui pouvaient aller les chercher, qui ont perdu dès le premier tour contre Yi Le Zainen. C'est chaud le niveau. Hein. C'est bien moisi. Ouais. Le niveau est waouh, c'est clair. C'était leur premier tournoi de l'année, hein, mais... Margot Lambert et Anne Tran ont gagné un match. Je peux vous dire que c'était le mardi. Elles ont joué, ça a été les seules à gagner un match quasiment. Je crois que tous les Français avaient perdu ce jour-là. Un peu notre seule lumière dans le noir contre donc Miura Sakuramoto, 21-7, 22-20. Alors Benoît, il y a plusieurs choses sur ce match. Alors déjà, elles battent les 11e mondiales, donc 10 places devant, assez incroyable. Elles leur mettent 21-7 dans le premier, encore plus incroyable. Elles leur mettent, 14-10, et même l'écart était encore plus gros avant à 11. 11-6, on se dit qu'elles vont leur rouler dessus. Et finalement, elles se sont fait rattraper. Elles ont concédé un volant de match avant d'arriver à le gagner. Frayeur un peu inutile, mais Benoît, victoire quand même des 11e mondiales, ça reste très bon. Tu peux me redire leur classement, s'il te plaît ? 11e mondial, je sais que c'est dur en regardant parce que effectivement, préciser que on peut être content pour les Françaises et reconnaître que c'était un peu les fantômes des Japonaises aussi en face. Alors au moins pendant un 7,5. Oui. C'était quasi pitoyable ce qu'elles ont proposé, mais en même temps Margot et Anne étaient hyper solides, hyper bien dans leur plan de jeu. J'ai vraiment aimé ce qu'elles proposaient. C'était vraiment carré. Il y a pas de débat. Elles méritent leur victoire. Elles ont un peu tremblé sur la fin. Malheureusement, les fantômes des dernières semaines sont un peu revenus. Mais en vrai, le niveau affiché par Miura Sakuramoto, 11e mondial sur un premier tour de Super 500, on peut taper sur Rayu Ramadanti, mais c'est pas beaucoup mieux pour Miura Sakuramoto. Et la victoire est très convaincante pour Margot Lambert et Antran, il n'y a pas de sujet, mais on n'a pas eu des 11e mondial sur le terrain. C'est clair. Derrière, on avait des chances d'y croire, je trouve, pour les Françaises qui jouaient Tantina, tête de série 8, mais qui sont franchement pas impressionnantes depuis le début de l'année, et même depuis quelques mois. Malheureusement, personne n'y a cru, à part peut-être les Françaises au premier set, dans une moitié de premier set, mais elles perdent quand même 21-14, 21-10. Là, Benoît, on a beau se dire qu'elles ont perdu contre une paire plus forte, le retour sur terre, il fait un peu mal quand même. Ouais, c'est frustrant. Enfin, c'est frustrant. C'est dur en fait parce qu'elles avaient quand même accroché des grosses paires ces derniers temps. Même si on avait râlé et ragé de ne pas les voir gagner parfois, elles étaient quand même beaucoup plus proches que ce qu'on a vu contre Tantina. Mais qui s'explique aussi par leur jeu assez atypique, prise de risque maximale. Et quand ça passe, il se passe aussi ça. C'était pas un mauvais match. Enfin, c'était très à sens unique en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, j'avoue que je suis déçu que qu'elles aient pas pu, elles aient pas pu faire mieux parce que on y croyait. En simple dame, troisième victoire chinoise de suite pour ce jour de finale. Wang Zi qui a battu Nozomi Okuhara. Benoît, alors là, j'ai vraiment pas grand chose à en dire. On pourra revenir vite fait sur le parcours des finalistes juste après, mais le match en lui-même, Okuhara, elle avait plus assez de jus pour battre une joueuse comme Wang Zi. Ouais, tout est dit. La semaine d'Okuhara, elle est réussie. Hein. Encore une fois. Ouais, il y a deux finales fin 2023, on en avait discuté au 300 en Inde et au 100 en Inde aussi, peut-être. C'était peut-être les deux tournois en Inde. Finale sur un 500, Nozomi Okuhara, elle revient à un niveau intéressant, il va falloir aussi du rythme pour physiquement se remettre d'aplomb. Et là, elle est sur les talons, elle va être sur les talons d'Aya Ohori pour la qualif olympique. Elle revient à un niveau vraiment intéressant. De au minimum top 15 mondial avec ce qu'on a vu cette semaine. Le titre de Wang Zi est pas volé hein, au vu de sa semaine, mais disons qu'il n'y a pas eu de débat en finale, c'est ce que tu disais. C'est clair, Okuhara qui a battu Wang Shisu, Li Xianti, Tun Yung et Nidaira. Alors elle n'a pas joué de joueuse monstrueuse à part Tun Yung. Tun Yung, ouais. Donc je pense que c'est cette victoire-là sur laquelle elle devra s'appuyer. De son côté, Wang Zi, elle a battu Yeo Jamin, Aya Ohori, Gao Fangjie et Ebing Xiao, donc et Okuhara. Donc elle n'a pas eu pour le coup, elle une semaine facile. Sinon, premier titre chinois en simple dame de l'année, il est pour Wang Zi. Là aussi, ça peut être un peu surprenant. Mais pour le reste, pas grand-chose à en dire. Il manquait les quatre meilleures joueuses du monde. Donc déjà, le niveau, quand elles sont pas là, le niveau du simple dame, descend pas mal. Intanon assez décevante pour son retour, qui est un peu en galère. Elle a perdu sèchement contre Nidaira. Et c'est plus ou moins tout ce que j'ai à en dire, Benoît. Toi, tu as quelque chose à rajouter ? Pour ceux qui, comme moi, ont fait l'erreur d'allumer YouTube sur le Wang Zi et Bing Xiao, vous avez probablement, vous aussi, assisté au 14-0 dans le troisième set pour Wang Zi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce tableau. Ok, super. En simple homme, victoire de Anders Antonsen, qui avait déjà gagné il y a deux semaines en Malaisie, ouais. Le Super 1000, là, il chope un 500, victoire contre Brian Yang. Tout n'a pas été facile, loin de là, pour Anders Antonsen contre la surprise de la semaine, le Canadien Brian Yang. 18-21, 21-13, 21-18, un troisième set où le Canadien était devant à la pause et où ça aurait peut-être pu un peu tourner autrement, mais je trouve qu'Antonsen a très bien géré son match et c'est pas surprenant, je trouve, de le voir gagner ce match ni cette semaine parce que cette semaine, il a été très fort. Il n'avait pas perdu de set avant la finale. Et là, on a vraiment un très, très bon Antonsen. Ouais, très clairement, tu as à peu près, je pense, à peu près tout dit. On a un très, très bon Antonsen. On a un top 3 mondial qui va peut-être pas le redevenir, mais pas très loin après cette victoire en Malaisie. En Malaisie, pas du tout, en Indonésie. Au-delà de la finale, où j'ai beaucoup aimé sa réaction face à un mec qui a joué la semaine de sa vie ou pas loin, pour moi, on est en train de retrouver un Anders Antonsen qu'on veut, c'est-à-dire un top 2-3 mondial qui affiche ce niveau-là toutes les semaines. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je vois d'Anders Antonsen. Honnêtement, on avait vu des prémices fin 2023, mais qu'on avait du mal à avoir de façon constante. On voyait des morceaux, des petits bouts. Là, franchement, je suis curieux de savoir si tu partages ou si tu as peur que le soufflet retombe, mais j'adore ce que je vois, moi. Ouais, moi aussi, parce que d'une, il est meilleur, mais des fois, il perdait quand il était meilleur. Là, il est vraiment full focus et ça fait plaisir quand il doit pas passer du temps sur le court, il passe pas de temps sur le court. Franchement, c'est trop bien. Il met notamment 14 et 8 à Viti Tsarn en demi-finale. Viti Tsarn qui semblait pourtant un peu meilleur, mais après, c'est vrai qu'il n'avait pas joué de joueur vraiment monstrueux, puisque je pense qu'on ne peut pas juger Xu Tianchen comme un joueur monstrueux. On y reviendra. Et côté Brian Yang, effectivement, il commence avec Li Shifeng, alors tête de série 2 au troisième tour, 23-21. Derrière, il a battu Rajawat. Il joue contre Lizzy Jia qui abandonne après un set. et Ginting 21-19 au troisième, alors que Ginting menait pourtant. Je vais essayer de vous retrouver ça, mais c'était assez ouf l'avance qu'il avait. Ginting, il a totalement raté sa fin de match. Il menait 19-15. 19-15, ouais, et il a pris 6 points d'affilée, donc vraiment petite faute professionnelle quand même. Mais en finale, Brian Young a montré qu'il était loin d'avoir volé sa place dans ce match. On va se focus sur les Français. C'est le premier Nord-Américain de l'histoire à aller en finale d'un Super 500 ou plus, ou équivalent Super Series. Donc on a quand même assisté à un truc pas anecdotique cette semaine. Avec un tel parcours, c'est quand même... Je suis d'accord. C'est vrai que c'est un peu dommage l'abandon de Lizzie Jia, mais en battant Shifeng et Ginting, et voilà, il vole pas du tout sa place, et en plus il est loin d'être ridicule. Ça aurait pu tourner pour lui cette finale contre Antonsen. Antonsen qui avait déjà gagné le tournoi en 2019. C'était pas le même joueur à l'époque, mais voilà pour l'anecdote. Côté français, c'est pas compliqué. Il y en avait trois, ils n'ont pas passé un tour. Christo Popov qui perd 21-19 contre Shu Tianchen. Thomas Junior Popov qui perd 18-21, 21-16, 21-19 contre Kieran George. Et Arnaud Merclé qui perd 12-21, 21-19, 21-14 contre Chiao Hao Li. Benoît, j'ai dit les trois exprès d'un coup parce que je vais te demander de faire un petit classement du moins frustrant au plus frustrant. Et tu me dis pourquoi? Ah, je sais pas, putain. Moi, je t'en fais un si tu veux vite. La fait, moins frustrante et... la moins frustrante. Ah, tu fais le classement. Moi, vas-y. Non, mais je le fais le mien et après tu diras. Mais pour moi, la moins frustrante, c'est celle de Christo. Et après, je pense que je mettrai. C'est serré, mais je pense que je mettrai Thomas et Arnaud Merclé, qui est pour moi la plus frustrante des trois. Mais vas-y, je te laisse faire le tien et me dire pourquoi. Bah, c'est le même, du coup, mais je vais te dire pourquoi. Christo, parce que. Ça fait deux semaines qui. D'ailleurs, je crois que c'était le même score contre Suli Yang la semaine dernière. Donc très frustrant, mais à l'image de ce qu'on a vu sur le début de saison. Donc je pense qu'il y aura une éclaircie, il y aura du mieux, mais très frustrant. Et en même temps, on avait déjà vu, donc on avait un peu cette crainte là. Donc voilà, peut-être la plus frustrante, mais la moins frustrante pour ça. Tommy, très frustrant parce qu'il joue un joueur qui est qualifié, il est meilleur, il a le match en main, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas pourquoi il gagne pas ce match, on a un mec qui derrière va en quart de finale, pour moi c'était ses points, voilà pourquoi c'est frustrant, mais c'est peut-être moins frustrant qu'Arnaud Merclé parce que lui il avait gagné ce match, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il a pas joué le deuxième tour en ayant gagné ce match. Il y avait 21-12, mais total contrôle. Arnaud Merclé, moi j'étais devant ma télé, j'étais là. Mais ce gars, c'est un top 25 mondial, il maîtrise son sujet. J'adore ce qu'il propose, il est facile. Et il y en a qui ont même suspecté une blessure, tellement c'était inexplicable le retournement qu'il y a eu. Non, il a juste parlé lui-même de craquage mental. Retournement, je précise, il a gagné 21-12. Dans le deuxième, il mène 14-6. C'est ça. Et 19-16 plus tard dans le match. Et il a pris pareil, il a pris 5 points d'affilée. Et derrière, il n'a pas vraiment existé dans ce troisième set. Ouais, c'est fou comment il y a eu un switch d'un mec qui aurait dû gagner 12 et 14 parce qu'il était largement meilleur. Et il avait gagné ce match et c'est tellement frustrant parce que il y avait la possibilité d'aller jouer un Leilan Shi sans doute prenable aussi, et moi ça me frustre parce que on voit tous que Arnaud Merclé il a vraiment les jambes pour aller chercher des matchs plus loin, et voilà, c'est la raison pour laquelle c'est mon plus frustrant. Je sais pas si t'as les mêmes arguments, mais on doit exactement. Être très proche vu qu'on a le même classement. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, je suis d'accord, je vais pas répéter ce que t'as dit, je suis d'accord avec exactement tout ce que t'as dit, mais quand on prend en compte le fait que tout ça c'était la même journée, c'est dur. Imaginez l'état dans lequel on était mentalement à la fin. Je sais pas si tu l'as dit aussi, mais Arnaud Merclé qui était bon en qualif, parce que lui il est passé par les qualifs. Oui. Il fait deux bons matchs en plus, notamment contre Nathan Nguyen. Ouais. Donc ça c'est d'autant plus frustrant ce qui est arrivé après. Et notre dernier tableau du jour, il y avait encore des Danois en finale. Astrup Rasmussen, il jouait contre Carnando et Martin, tenant du titre et locaux, donc évidemment bien soutenu par le public. Et c'est eux qui ont gagné, 21-12, 20-22, 21-11. Benoît, on va pas se mentir, on n'a pas vu un très grand match, on n'a pas vu des très grands Astrup Rasmussen qui, moi, m'ont paru un peu fatigués, et je pense que l'absence de vitesse des volants les a pas aidés. Des Carnando Martin, ouais, très très bons pour le coup, qui, contrairement à beaucoup de fois, ont pris les bonnes décisions et ont très bien attaqué, je trouve, et qui en plus ont réussi à survoler ce troisième set alors qu'ils avaient eu un volant de match non converti dans le deuxième. Voilà ce que j'ai à dire de ce match. Bah, t'as tout bien résumé, je trouve. C'est leur quatrième titre sur le circuit, dont deux sur le même tournoi. Assez drôle. Tu sens que c'est vraiment les mecs qui marchent au public et qui marchent à cette semaine, ça va être pour nous, quoi. Ouais, c'est ça qui me frustre un peu, c'est qu'il n'y a pas eu ce switch mental de on est capable aussi de proposer ça toute la saison, parce que on avait beaucoup d'espoir en eux et c'était justifié, je pense. Je pense qu'ils sont capables de proposer ce qu'ils ont proposé cette semaine beaucoup plus souvent, et c'est un peu ça qui me laisse sur ma faim avec eux. C'est que je pense qu'ils ont, pour moi aujourd'hui, c'est la paire qui a le meilleur potentiel indonésien, bien devant Alfian Ardianto, n'en déplaise à la paire qui a été numéro 1 mondial, mais ouais, il y a ce manque encore de, je sais pas, de maturité peut-être. Ouais, mais la maturité, normalement, au bout de je sais pas combien d'années sur le circuit, tu dois l'avoir, quoi. C'est ça le problème. Ouais. C'est pour ça qu'on leur a régulièrement tapé dessus ces derniers mois aussi. On peut pas tout le temps dire ouais, ils sont jeunes. Non, il y a un moment, les gars, vous avez 22 et 23 ou 24, je crois. Bon, on va pas vous pardonner éternellement vos sauts de concentration et de résultats sur une saison entière, quoi. Voilà. Ouais, sinon bonne semaine de Carnando Martin, ils ont battu Lamsu, oui, Seidel, une paire chinoise, Lundgaard, Vestergaard, donc ils ont pas joué grand monde avant l'écart, avant les demi même, mais en demi battent Alfian Ardianto, et c'est un match qu'il fallait à tout prix gagner pour eux. De leur côté, Astrup Rasmussen, ils ont tenu leur rang en gagnant facilement tous leurs matchs, jusqu'à cette finale où je trouve qu'ils ont notamment une demi contre Liu Hu en plus, donc pas forcément une victoire attendue contre les Chinois, 14 et 19 surtout. Mais ouais, très décevant en finale, je trouve, Astrup Rasmussen. La paire française, pardon, puisque Corvée là-bas ont pas joué. C'était les frères Popov, ils ont joué contre RN en premier tour. Défaite 21-13, 18-21, 21-10. J'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Benoît, toi, t'as quelque chose à dire de ce match ou pas? Non, c'était pas si mauvais. Notamment dans le deuxième, il y a eu des bonnes choses. Bah, j'ai pris un peu de plaisir, enfin, on va pas non plus se mentir, avec les Popov, c'est rarement des matchs dégueulasses à voir, parce qu'ils sont quand même sympas à voir jouer. Oui, ça c'est vrai. Oui, voilà, c'est pour un peu changer les arguments, parce qu'on a l'impression qu'on les déteste, mais c'est pas le sujet en fait, c'est que quand on les regarde, c'est pas dégueu. Mais voilà, c'est une vraie paire de doubles en face, qui en plus a pas trop mal perfé ces derniers mois. C'est trop compliqué, quoi, et la série se poursuit, hein, tu gagnes toujours pas de match. Voilà, Li Wang très décevant, puisqu'ils auraient pu faire quelque chose de bien, mais ils perdent au deuxième tour contre, je sais même pas, une paire que je connais même pas, thaïlandaise que je connais même pas, Ko Samang, Joe Wilfried Tsonga, ok. Liu Hu, donc ont perdu en demi contre Astrup Rasmussen. Et après, les paires, forcément, quand t'as beaucoup de paires indonésiennes qui, en plus, là, étaient dans la même partie de tableau, sont un peu entretuées, hein, puisque, je l'ai dit, Carnando Martin ont battu Alfian Ardianto, qui avait eux-mêmes battu Fikri Molana. Voilà, pour le reste, pas grand-chose à rajouter sur ce tableau de double homme, puisque pas de tête de série 1, notamment, en haut de tableau. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tournoi en général ? Ouais, on a eu un super 500 un peu en mode dégradé, un super 500 fin de tournée, quoi. Ouais. Beaucoup d'absents, beaucoup plus qu'on aurait espéré, et les Indonésiens Masters ont parfois été quand même à un niveau bien supérieur que ce qu'on a vu cette semaine, même si, attention, on n'a pas vu que des mauvais matchs. C'est clair. Heureusement que Zheng Wang était là, j'ai envie de dire, pour voir un peu une grosse paire. Mais sinon, c'est les seconds couteaux chinois, Wang Zi, Liu Tan, qui sortent leur épingle du jeu. Donc, Carnando Martin en double homme et Anders Anton Sen en simple homme. Cette tournée asiatique, en plus, elle n'est même pas vraiment terminée, puisque la semaine prochaine, il y a les Thailand Masters, donc Super 300, donc le niveau devrait encore se dégrader un peu. On en dira sûrement un mot. Mais le corps de notre épisode sera les championnats de France New Look. On aura beaucoup de choses à dire, je pense, sur les résultats et sur ce nouveau format. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à toi comme toujours et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les championnats de France et les Thailand Masters. Bonne soirée, bonne journée, à plus. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的梦握在手中。